Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Avec Radio Le Zinc sur la très locale RVR tous les jeudis à partir de 17h, c'est en route pour la joie. Alors ouvrez vos escourbes et profitez. Trois pièces, les femmes tirées à quatre épingles, entre le luxe et le stress. Je longe les magasins. Je grimpe dans mon petit studio une début de Radio Le Zinc, très sud-ouest de la France, puisqu'après les Bordelais de Noir Désir, on vient de voyager dans la jungle toulousaine de Oslo Tropic. Groupe à l'énergie débordante sur scène, paraît-il, car jamais encore je ne les y ai vus. Cette de paille, je suis ton cul et ma cocu à la chronique. Et je trouve ça très très très chic. Très très très chic. Plus on me fait, plus je suis dur. Cette bêche belle mêle dans la sciure. Absence, présence télépathique. C'est avec ou sans que l'on nique. Sans que l'on nique. Master à l'ambitre grand. Me dit qu'il ne trappe plus en l'air. Son petit air se sifflerait à quelques personnes. Mais il n'y a plus personne pour me douter, petit frère. Petit homme. Master à l'ambitre me cause d'un endroit où aller. Mon lézard now all this place. Finance, cogiton, ergones, rouge. Destruction of our global life now. Abouraché d'un épouvantail, une marionnette de sexe de paille. Je suis tendu ma cocu à la chronique. Et je trouve ça très très très chic. Plus on me fait, plus je suis dur. Tête bêche belle mêle dans la sciure. Absence, présence, télépathique. N'oubliez pas que si vous souhaitez connaître les titres ou les noms des groupes qui passent dans Radio Le Zinc, retrouvez-nous sur la page Facebook de Radio Le Zinc. Comme ça, vous saurez que c'est Obik and the Pox qui viennent d'emplir nos cervelles et que à présent, Orlichap revient à nouveau dans Radio Le Zinc. Chacune de mes oreilles, de plus.

Que Radio Lezing ait l'âme rock ou l'âme poétique, Radio Lezing trouvera toujours un artiste pour répondre à ses envies du moment. Ce jeudi, Radio Lezing hésite, faire dans la force ou faire dans la douceur. Je pense donc à Dahlia, duo étrange composé d'une voix, une guitare et un violoncelle. Vous voulez l'écouter? Ok, voici donc Dahlia et son sublime contre-courant. Tu passes ton temps à la traîne, à revers, à vérifier la route. Mais à t'entendre, tout se vaut, se ressemble, alors pourquoi tous ces doutes? Tu te contractes, vriller comme un ressort. Oh, mais coule un sang, ça sent encore un remords que je mâche, me dégoûte. Et trop de blanc, et trop de silence. Trop d'abstinence, on fait de toi ce qu'ils avaient déjà. Et fais de moi. On se surprend, alors on se guette. Se regarde bien appuyé la tête. Se faire mal, on en oublierait presque qu'on est fait l'un pour l'autre. En écoutant encore et encore ce contre-courant, je me dis que je devrais chercher d'autres titres de Dahlia. Du coup, je trouve l'album Une lumière dans les ombres et je trouve également un titre, Absence, par Dahlia. Dis-toi bien que si l'on doute un jour, on doutera jusqu'au bout. Dis-toi bien qu'on n'échappe à rien et qu'il faut rester debout. Regarde-moi, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te convient? Moi je me sens déplacé, incapable de rester. Mais est-ce qu'on survit à l'absence? Est-ce qu'un jour on oublie, on avance? aujourd'hui c'est immense. Le chemin qui me reste est une chance. Tant de choses ont changé, plus rien n'est à sa place. Je ne retrouve rien dans ces murs qui me parlent ou me dépassent. Je me réveille sans passé, sans murmure et sans trace. Sans endroit où aller ou glisser, dépasser cette journée. Mais est-ce qu'on survit à l'absence? Est-ce qu'un jour on oublie, on avance? Moi je sais qu'aujourd'hui c'est immense. Le chemin qui me reste est une chance. Est-ce qu'un jour on oublie, on avance? Moi je sais qu'aujourd'hui c'est immense. Le chemin qui me reste est une chance. Doit appartenir à cette classe des cadavres exquis du rock, tout comme Agora Fidelio que nous réanimons régulièrement, mais également comme Elista. Des garçons qui mettent des blousons de cuir noir, qui secouent des instruments innocents. Elista arrive à présent dans Radio Zinc avec La Vie à deux. Thank you. pas les regretter. Nous voilà, les pieds, les poignets, à vivre de serments foireux. Si déjà nos jours sont comptés, ce sera tant pis pour eux. Je ne crois pas les regretter. Qu'un jour sur deux, qu'un jour sur deux, qu'un jour sur deux, qu'un jour sur deux. Comme tous les jeudis entre 17h et 18h sur le 104.6 de RVR, vous écoutez Radio Zinc. Et dans Radio Zinc, nous adorons Elista. Après 9 titres ce soir passés sans nouveauté, Radio Le Zinc est parti sur des terres non défrichées pour RVR. Radio Le Zinc gratte, Radio Le Zinc cherche, et Radio Le Zinc vous propose des artistes, ou du moins une artiste, qui peut-être demain se dévoilera à nos oreilles. Voici donc Zao de Sagazan. Au-dessus des nuages.

À l'écart hostile, et des perles de sueur naissent sur son front fébrile. L'égyptien a le cours facile. À notre avis, je pense pouvoir vous confirmer qu'il s'agit encore d'un nouveau météore dans la galaxie des cadavres exquis du rock. Du coup, je double. Voici Le Cercle, second titre du soir de À notre avis. Dans mon cercle, toujours trop de rêves. changerait tout. Après quelques recherches pendant que vous écoutiez Anotrey, je pense pouvoir vous dire qu'Anotrey s'appelle Ulrich T. Estrech. Un homme, ses instruments, ses délires. Pour le reste, rien. Même son MySpace, c'est vide. C'est le vide astral. Walter Astral ? Tout a commencé dans l'eau salée. Tout a commencé dans l'eau salée. Sensationnel. les apprentis druides, les magiciens de la musique psychédélique, Walter Astral et après l'eau, le feu. Allez, ça y est, il est temps de nous quitter quelques secondes encore. Nous allons donc profiter, comme chaque fois que j'ai peu de temps, d'un tout petit bout de I Love Liu de Dionysos. Sur ce, bis à messieurs, bis à mesdames.